إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous terminons l'explication du livre Ahkam wa Nasik al-Hajj wal-Umra du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et donc on va entamer le dernier chapitre qui concerne donc az-ziyara, la visite de la mosquée prophétique. Et le cheikh donc, il va détailler ce qu'on doit faire lorsqu'on se rend à Médine, ce qui est mashrou', ce qu'on doit faire également durant la visite de la mosquée prophétique, tout ce qui est interdit, détestable à faire durant cette visite et que malheureusement beaucoup de gens pratiquent. Ayyadan billah. Le cheikh nous dit Faslun. Wa idha dakhala al-Madina qabla al-Hajj aw ba'da fa innahu ya'ti masjid an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yusalli fihi والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومروي من طرق أخر ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. Le cheikh donc il nous dit, lorsque la personne elle rentre à Médine dans la ville prophétique, que ce soit avant le Hajj ou alors après le Hajj, sachant que certains pèlerins avant de faire le Hajj et donc d'aller à Mecca, ils se rendent dans un premier temps à Médine et ensuite ils font leur ihram depuis Dhul Hulayfa, comme on l'a déjà vu dans les cours précédents, et d'autres qui se rendent directement à Mecca et ensuite après avoir fini leur pèlerinage ils se rendent à Médine. Donc à ce moment là qu'est-ce qu'ils font? Il nous dit le shir, ils viennent donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y prier. Et il nous rappelle qu'une prière dans la mosquée prophétique est meilleure que 1000 prières que l'on pourrait faire dans d'autres endroits. À part, bien entendu, la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram. Sinon, à part Al-Masjid al-Haram, c'est le meilleur endroit où l'on peut prier. Vu donc la grande récompense qui est réservée à celui qui prie une prière dans cette mosquée. Donc une prière qui vaut 1000 prières. 1000 prières. Comme cela, bien entendu, est rapporté dans le hadith de Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Hadith akhrajul imam al-Bukhari, l'imam muslim, muttafaqun alayh. Et également, il nous rappelle le shir qu'il n'est pas permis d'avoir l'intention de visiter une mosquée, si ce n'est les 3 mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, où il dit وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى مَسْجِدِ وَإِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Donc c'est ce que nous rappelle le shir, وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَيْهِ وَإِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Donc ceci est pris bien entendu du hadith authentique rapporté par Abu Sa'id et qui est rapporté également par d'autres suivant différentes chaînes de transmission. C'est-à-dire donc on n'a pas la permission d'avoir l'intention de partir, de faire un voyage pour visiter une mosquée, si ce n'est uniquement ces 3 mosquées. Donc la mosquée prophétique, la mosquée sacrée et la mosquée de Al-Aqsa. Ces trois mosquées, il nous est permis donc d'avoir l'intention de les visiter et de voyager dans ce but-là. À part ces trois mosquées, la tushaddu rihal, c'est-à-dire que la personne donc ne voyage pas et ne met pas une intention spéciale pour visiter un autre endroit que ces trois endroits, que ces trois mosquées. Il nous rappelle également le cheikh, rahimahullah, que sa mosquée, la mosquée prophétique, était plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était bien plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. De même, al-Masjid al-Haram, de même pour ce qui est de la mosquée sacrée, qui était bien plus petite également de la mosquée ou de celle qu'on peut voir de nos jours. Et le cheikh donc, il parle de ses jours à lui. Et donc, que dire de nos jours où les mosquées, elles ont été encore plus agrandies. Lakin zada fihim al-khulafa ur-rashidun min ba'dahum, c'est-à-dire ceux qui ont augmenté la surface de ces mosquées et qu'ils ont donc agrandi wassa'u, qu'ils ont donc agrandi les deux mosquées, cela s'est fait du temps de al-khulafa ur-rashidun, les califes bien guidés, et ceux qui sont venus après parmi al-khulafa al-umawiyyin wa al-abbasiyyin. Il nous rappelle le shir que la partie qui va être donc agrandie, elle prend le même hukm que la partie originelle ou que l'endroit originel. C'est pour ça qu'il dit hukm ziyadati hukm al-mazid fi jami' al-ahkam. C'est-à-dire donc, ici c'est une règle qu'il nous rapporte, shir al-islam, et qu'on aura certainement l'occasion de voir lorsqu'on continuera le livre de Cheikh Sardi rahmatullah alayhi fil qawa'id. Il nous dit hukm ziyada, le statut de l'augmentation. Az-ziyada, c'est donc l'augmentation, c'est le statut de l'augmentation. Hukm al-mazid, c'est-à-dire cette augmentation, elle prend le même statut que ce qui a été augmenté, que ce qui a été augmenté. Ça c'est de façon générale. Donc on parle ici d'augmentation ziyada. Donc de même, si on applique cette règle-là par rapport à la mosquée prophétique, à la mosquée également sacrée, on sait qu'elles ont été élargies, agrandies. Ce qui est donc agrandi, il suit la mosquée d'origine, c'est-à-dire la surface qui était présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui était agrandi suit en fait la mosquée qui était présente depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle prend donc le même hukm. C'est-à-dire donc, lorsqu'on rentre à l'intérieur de cette surface qui rentre dans la surface donc agrandie, tawsirat, alors les mêmes choses et la même loi s'appliquent à ce qui était applicable à la mosquée même du temps du prophète et à la surface qui était présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on rentre dans la mosquée et la partie agrandie, on ne doit pas s'asseoir sans prier rak'atayn. Et au moment où on rentre également, on dit la dua du khul al-masjid, et on rentre du pied droit, etc. Donc toutes les règles, elles s'appliquent comme elles étaient applicables, ou les mêmes règles qui étaient applicables, donc qui sont applicables à la mosquée du prophète ou à la mosquée du haram du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la surface qui existait de son temps sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, et avant cela on rappelle cette parole d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, annahu qal law mudda masjid al rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila dhil hurayfa lakana minhu, c'est-à-dire il a dit si on a agrandi ou si on agrandissait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à que sa superficie atteigne dhil hurayfa, donc dhil hurayfa on a vu c'était miqat ahli al-madina, alors il dit ça ferait partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si elle aurait été aussi grande que cela, même si on augmente sa superficie jusqu'à cet endroit, alors ce qui sera augmenté comme superficie fera partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي فإنه قد قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود وغيره وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه. Ici le shir va donc nous expliquer comment on fait les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le terme exact c'est as-salam. Pris donc du terme arabe, salam. Il nous dit ensuite, une fois qu'il a prié dans cette mosquée, et qu'il a prié ce qu'il a voulu prier, il passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, qui sont bien entendu enterrés à côté de lui. Donc leurs deux tombes qui sont les tombes voisines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous rappelle dans un premier temps, mashru'iyyatus salam alayh, il nous rappelle dans un premier temps le statut légiféré, il nous rappelle le statut légiféré du salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rapporte ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan min hadith Abi Huraira et qui est un hadith authentique authentifié par Cheikh Al-Albani que l'on retrouve fi Sahiha au hadith numéro 2266 où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min rajulin yusallim alayh ma min rajulin yusallim alayh illa raddallahu alayya ruhi. Il n'y a pas donc un homme qui me passe le salut ou qui me passe le salam sans qu'Allah Azza wa Jal me rende mon âme. Il a raddallahu alayhi ruhi. C'est-à-dire donc qu'Allah Azza wa Jal fait revenir l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam au corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta arudda alayhi salam. Et ensuite donc, il lui répond de même, c'est-à-dire en lui passant à son tour le salam. Ça c'est le sens du hadith. Ma min rajulin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Donc ya Abdullah, lorsque tu passes le salam au prophète sallam, Allah azza wa jalla à chaque fois il fait revenir donc l'âme du prophète sallam à lui, donc on comprend ici son corps, pour qu'ensuite le prophète sallam il rende le salam à celui qui lui a passer le salam. Ça donc, c'est par rapport au statut légiféré de passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, al-kayfiyya, c'est-à-dire comment on passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous rappeler ce athar de Ibn Omar et il va nous dire ensuite que c'était ce que pratiquaient as-sahaba, les compagnons. Donc Abdullah Ibn Omar, lorsqu'il rentrait dans la mosquée, il passait le salam, c'est-à-dire donc il passait devant l'endroit où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et son père, et il disait assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Abati. Voilà la façon de passer le salam. Thumma yansarif. Et ensuite donc, il continuait son chemin sans s'arrêter. Wa hakadha kana as-sahabatu yusallimuna alayh. Donc ici on a al-kayfiyya, après avoir pris connaissance du statut légiféré de cet acte-là, on prend connaissance de la façon de pratiquer ce salam, al-kayfiyya. Et il nous dit, wa yusallimuna alayhi mustaqbili al-hujra, mustadbiri al-qibla, inda akthari al-ulama'i ka Malik wa Shafi'i wa Ahmad, wa Abu Hanifa qal yustaqbalu al-qibla, fa min ashabi man qal yastadbiru al-hujra, ومنه من قال يجعلها عن يساري واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. Pour donner plus de précision sur la façon de passer le salam, il nous dit le shir, lorsqu'il passe le salam, il se met donc en direction, donc sa face, son corps, en direction de l'hujra, qui est l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où se trouve donc sa tombe. Il se met donc en direction de l'hujra, de son appartement, et il laisse derrière lui donc al-qibla, mustadbiri al-qibla. Il laisse derrière lui donc al-qibla. Et cette façon de faire, c'est celle qui a été citée par la plupart des savants, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i et comme l'imam Ahmed. Sauf que l'imam Abu Hanifa a dit le contraire, c'est-à-dire yastaqbilu al-qibla, il se met face à la qibla au moment du salam. Et parmi ceux qui font partie donc du madhhab de l'imam Abu Hanifa, famina ashabi, ceux qui ont dit yastadbiru al-hujra, c'est-à-dire donc ceux qui ont dit, à partir de la parole de l'imam Abu Hanifa qui dit on se met en face de al-qibla, ceux qui ont dit par rapport à la position vis-à-vis de al-hujra, de l'appartement, ceux qui ont dit il met donc al-hujra derrière lui, il laisse al-hujra derrière lui, donc ce qui est ici la position inverse de ce qu'ont cité la plupart des savants comme l'imam Malik, Shafi'i ou Ahmed, et ceux qui ont dit parmi ashabi, ceux qui ont dit qu'il laisse al-hujra an yasari, qu'il la laisse donc à sa gauche. À la kulli hal, ici c'est ce qui était rapporté des savants, et la plupart des savants comme on a cité, ceux qui disent que donc on se met en face de al-hujra et on laisse al-qibla derrière nous au moment du salam, bien entendu. Ensuite, tous sont d'accord ici, il n'y a aucune divergence dans cela, qu'on ne doit pas toucher al-hujra et qu'on ne doit pas l'embrasser, qu'on ne doit pas faire un tawaf, tourner autour d'elle donc, et qu'on ne doit pas prier vers elle. Tout ça, bien entendu, c'est interdit. Et tous les savants sont d'accord, sont unanimement d'accord par rapport à cela. Que la personne ne touche pas al-hujra, ne l'embrasse pas, ne tourne pas autour et ne prie pas vers elle. Ça, c'est la parole des salafs parmi les sahaba wa tabi'in et les quatre grands imams, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa. On a vu, ce qui était uniquement mashrou', légiféré, c'était d'embrasser al-hajar al-aswad. Et également, par rapport au toucher, de toucher al-hajar al-aswad, et également rukn al-yamani. Ça, c'est ce qui est légiféré. Le reste, on a vu que ce n'était pas légiféré. En dehors de cela, il n'y avait aucun endroit ou aucune chose qui était légiférée par rapport donc à ce qu'on appelle al-istilam ou al-mas, etc. Ou al-taqbil, ou al-tawaf, etc. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به. Donc également, en plus de passer le salam, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce que nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le rappelle le shir. Il fait allusion, bien entendu, au verset du Coran qui se trouve sur la surat al-Ahzab, qui est le verset 56. Où Allah azza wa jalla yaqul إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc bien entendu, ce verset est plus que clair. Où Allah azza wa jalla nous ordonne de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, il y a plusieurs versions qui sont venues par rapport à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi elles, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et d'autres versions également. Ensuite يقول ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم الأئمة ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. Le shir ici, il va nous dire donc, et ça va être la première mise en garde pour ce qui est, pour ce que l'on fait à cet endroit-là, ou la deuxième mise en garde, sachant qu'il a déjà mis en garde le shir. Taïb, j'ai en fait, naam. Arfouane, j'ai simplement sauté une page, donc il y a une parole avant ce qu'on vient de dire, donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Parce que j'ai sauté une page. Naam. Ensuite, il nous dit le shir, وَإِذَا قَالَ فِي سَلَامِهِ أَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ يَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِي يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى رَبِّهِ يَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ فَهَذَا كُلُّ مِنْ صِفَاتِهِ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم. Donc ensuite, le shir, il dit, et s'il dit, au moment où il passe le salam sur le prophète صلى الله عليه وسلم, s'il dit assalamu alayka ya rasulullah ya nabi Allah, donc assalamu alayka au prophète d'Allah ou envoyé d'Allah, ya khiratullah min khalqi, ô le meilleur donc des hommes, le meilleur des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures, c'est-à-dire donc le meilleur parmi ce qu'Allah azza wa jalla il a créé. parmi ses créatures. Et akram al khalq ala rabbi, celui qui est le plus honoré parmi les serviteurs, parmi les créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de son Seigneur, celui qui est le plus élevé, le plus honoré, etc. Ya imam al muttaqin, ô l'imam des pieux, il nous dit le cheikh, tout cela fait partie de ses caractéristiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de mal à dire cela. Si on rajoute assalamu alayka ya rasulullah, ya nabi Allah, ya khiratullah min khalqi, ya akram al khalq ala rabbi, tout cela c'est permis. Ça fait partie des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on revient à ce qu'on a dit. Donc on s'était arrêté à Naam. Wa la yad'u hunaka mustaqbil al-hujra, fa inna hadha kullu manhi anhu bi ittifaq al-a'imma. Donc parmi également ce qui n'est pas autorisé de faire lorsqu'on se trouve dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aller vers l'appartement du prophète, al-hujra, là où se trouve la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se mettre en face et ensuite de faire des doigts à cet endroit-là. Ça, c'est interdit auprès des imams, auprès des salafs, et parmi eux les quatre grands imams. Et il nous rappelle le shir que Malik, il est celui qui était le plus dur sur cette question-là, et qui disait fort son interdiction par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il était rapporté de lui. Comme a déjà fi shifa, qala Malik, la ara an yaqifa 'inda qabl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, walakin yusallim wa yamdi. Imam Malik, il disait, je ne vois pas qu'on s'arrête donc auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais uniquement on passe le salam et ensuite on continue notre chemin. C'était la parole de l'imam Malik. Et il était le plus dur sur cette question-là. Celui qui a dit tout au son interdiction, de manière claire, sans équivoque. Et c'est pour ça que le shir, rahimallah, il va nous rappeler ce qui est rapporté de l'imam Malik, un grand mensonge qui est rapporté sur l'imam Malik, et que beaucoup de gens de l'innovation se permettent, et ceux, ceux qui se réclament de faire partie du madhab de l'imam Malik, parmi les gens de ceux qui se réclament de faire partie de l'imam ou du madhab de l'imam Malik, mais qui sont en réalité très loin de par leur croyance, parmi les soufia ou al-ashaira et d'autres encore, qui se disent du madhab al-maliki, mais qui en réalité sont loin, très loin de la croyance que portait et que disait tout haut l'imam Malik, rahimahullah. Et parmi donc ce qu'ils ont rapporté à titre de mensonge sur l'imam Malik, pour attester leur innovation, ayadan billah, cette histoire qui rapportait de lui, et dans laquelle il aurait ordonné à Al-Mansour, un de ses élèves, que lorsqu'il allait donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se mettre en face de Al-Hujra, de se mettre en face de l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là où se trouve sa tombe, au moment du temps des du'as, waqt ad-du'a, au moment donc où il faisait des du'as. Et il nous rappelle le cher que c'est un kavib, kavibun ala Malik, que l'imam Malik il n'a jamais dit ça, bien au contraire. L'imam Malik, il est celui qui a dit qu'on a juste à passer le salam, lorsqu'on passe devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc devant son appartement, et de ne pas s'arrêter, et de continuer, une fois qu'on a passé le salam. Donc comment il aurait été dire à un de ses élèves d'aller faire des du'as en se mettant en face de l'hujra. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit le shir, wa la yaqifu 'inda al-qabr li du'a'i li nafsihi fa inna hadha bid'ah. Wa lam yakun ahadun min as-sahabati yaqifu 'indahu yad'u li nafsihi. Walakin kanu yastaqbiluna al-qiblata wa yad'una fi masjidi. Fa innahu sallallahu alayhi wa sallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد. Il nous dit ensuite le shir que l'on ne doit pas s'arrêter auprès de la tombe du prophète sallam lid-du'a'i li nafsi, pour faire donc des du'as que l'on ferait donc pour nous-mêmes, des du'as que l'on fait pour nous-mêmes, des invocations que l'on fait pour nous-mêmes. On ne doit pas s'arrêter عند القبر. Et bien entendu ici عند القبر, que ce soit قبر النبي صلى الله عليه وسلم ou alors d'autres قبور, que ce soit donc la tombe du prophète sallam ou alors d'autres tombes. Donc la personne, elle ne doit pas s'arrêter auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire des du'as pour lui-même. فَإِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ. C'est une innovation de faire cela. Et personne parmi les sahaba s'arrêtait auprès de sa tombe sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils fassent des invocations pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on l'a vu, كَانُوا يَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةِ. Ils se mettaient en face de la qibla. وَيَدْعُونَ فِي مَسْجِدِ. Et ils faisaient des du'as dans sa mosquée. C'est-à-dire qu'ils se mettaient, au moment où ils faisaient donc des du'as ici, des du'as pour eux-mêmes, ils se mettaient en face de la qibla. Et ils faisaient des du'as alors qu'ils étaient à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aucunement ils se mettaient en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de son appartement, mais bel et bien en face de la qibla. Tous les compagnons sans exception et tous les grands imams après eux parmi les tabi'in et ceux qu'ils ont suivis parmi les salaf, ils ont tous ordonné de faire la même chose. Lorsqu'on fait des du'as, on les fait en face de la qibla. Bien entendu, au moment où on se trouve dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas se mettre en direction de la mosquée en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou rester auprès d'elle au moment où on fait des du'as. Et tout ça va dans le sens de ce que nous a ordonné de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths que le shir il a rapporté et qui sont tous des hadiths authentiques, yaqul Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad. Cette du'a qu'il a fait, cette du'a, cette invocation lorsqu'il a demandé à son Seigneur qu'on ne place pas, qu'on ne prenne pas sa tombe comme une statue, wa thanan yu'bad, qu'on adorerait en dehors d'Allah azza wa jalla. Al wathan ma'ubida min dunillah min qabrin aw shajarin aw hajarin ou autre. C'est-à-dire le wathan, c'est tout ce qui est en dehors, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jalla, comme tombe, ou alors comme arbre, ou alors comme pierre, etc. Ça c'est le wathan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette du'a, il a demandé à son Seigneur qu'il ne place jamais sa tombe comme étant un wathan, donc une statue qu'on adorait en dehors de lui. Et Allah azza wa jalla istajaba, comme on le verra, comme l'ont rappelé les savants, an Allah istajaba li du'a'ihi. C'est pour ça qu'il disait l'imam ibn al-Qayyim, فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. C'est-à-dire que, comme on verra plus tard, que la tombe, on y a placé trois murs autour d'elle, et on les a placés de façon à ce que la personne, lorsqu'elle est en face de la qibla, ne peut être en face dans le même temps de sa tombe. Et donc, à ce moment-là, personne ne peut prier en la direction de la tombe. Ensuite, يقول وقال, donc il rapporte d'autres hadiths également, لا تجعل قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Également ce hadith également authentique qu'on a déjà vu, لا تجعلوا قبري عيدا, c'est-à-dire ne mets pas, ne place pas ma tombe comme un endroit de fête. Bien entendu, عيد on traduit par endroit de fête, mais l'عيد c'est un endroit donc où se rassemblent des gens tout le temps et qu'ils le prennent donc dans des temps bien précis et qu'ils prennent cela donc comme une fête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit sa communauté de faire cela. La taj'alu qabri 'eedan wa la taj'alu buyutakum qubura. Et également, ne placez pas, ne transformez pas vos maisons comme des tombes, c'est-à-dire ici al-hathu 'ala as-salat an-nafila fil bayt, c'est-à-dire en ce sens-là, on sait que fil qabr, l'homme il ne pourra plus prier. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande ici de ne pas laisser nos maisons comme des qubur, comme des tombes, c'est-à-dire des endroits où on ne prie pas. Mais au contraire, on doit prier. Prier, bien entendu, al-nawafil, les prières surrogatoires, on doit en prier plusieurs dans notre maison, afin qu'elles ne soient pas comme al-qubur, là où on ne prie pas, les endroits où on ne prie pas al-qubur. tombe. وصلوا عليه حيث ما كنتم. Et priez sur moi. Où que vous soyez. فإن صلاتكم تبلغني. Parce que votre prière, elle me sera transmise. وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإن صلاتكم معروضة علي. Dans ce hadith également, qui est un hadith rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah ou Ahmed et d'autres encore, un hadith Aws ibn Aws, ou un hadith sahih, et un hadith qui est authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres, comme a fait sahih Sunan Abi Daoud, où le prophète sallam il dit, multipliez des prières sur moi le jour du vendredi et également la nuit du vendredi. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que vos prières me sont transmises. فَقَالُوا كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ بَلِيْتَ. C'est-à-dire que أَشْكَلَ عَلَى الصَّحَابَ هذا الحديث. Parce que le prophète sallam il a dit cela, il y a une ambiguïté chez les compagnons. Et c'est pour ça qu'ils lui ont demandé comment nos prières vont être transmises alors que tu seras وَقَدْ أَرَمْتَ, c'est-à-dire que tu seras donc en état d'ossement. قَالَ. Et le prophète sallam donc il répond à cette ambiguïté. Et il dit, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَا. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a interdit à la terre de manger le corps des envoyés. Donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rend le salam, comme on l'a vu auparavant. Et également, lorsqu'on prie sur lui, cette prière, elle lui est transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يُعْرَضَ عَلَيْهِ. C'est-à-dire qu'on lui présente cette prière que le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, que le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, il a prononcé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette prière. Et bien entendu, Al-Kayfiya, Adafi, Ilm al-Ghayb, Indallah Azzawajal. C'est une chose, bien entendu, qu'on ne peut connaître. Le comment. Mais on y croit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé. Et le comment, Allahu A'lam, ça fait partie des choses de l'invisible. Mais ce que l'on sait, c'est que nos prières, également notre salut, lui est transmis. Et nos prières lui sont donc présentées. Et il rend le salut à notre salut. Car Allah Azzawajal, à ce moment-là, lui rend son âme, c'est-à-dire dans le corps, comme on l'a vu dans le hadith précédent. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مِنَ الْقَرِيبِ وَأَنَّهُ يُبَلَّغُ ذَلِكَ مِنَ الْبَعِيدِ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend la prière et le salam de celui qui est proche de lui. Tayyib, donc celui qui passe devant sa tombe et qui lui passe le salam, qui est proche donc de lui, et qui prie également sur lui à ce moment-là, car on l'a vu, ce qui est légiféré, c'est de passer le salam sur lui, et de prier également sur lui. Donc il entend directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min al-qarib, min al-ba'id, et que celui qui est loin de lui, comme cela est également venu dans les hadiths qu'on a vus, celui qui est loin, alors, subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, il fait que cette prière et ce salut lui est retransmis. Et lui présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce soit le qarib, celui qui est proche de lui, ou alors celui qui est loin de lui, que ce soit l'autre bout de la terre, il entend le salam. Et il entend également le salat. Il répond au salam. Et également, il entend la prière qui est faite sur lui. Ensuite, il dit le shir, toujours en rapportant des hadiths du prophète, wa qala, la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara, ittakhadhu qubur anbiya masajid, yuhadhdhiru ma fa'alu. Qalat Aisha, ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كري أو كري أن يتخذ مسجدا أخرجه في الصحيحين فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبلي وشرقي من قبلي وشرقي لكن لما كان في زمن الوليد ابن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره وكان نائبه على المدينة عمر ابن عبد العزيز فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبرة مسنمة لئلا يسلي أحد إليها فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تسلوا إليها رواه مسلم عن أبي Marfadin al-Ghanawi. Ensuite, il nous rappelle le shir. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique également, rapporté par l'imam al-Bukhari al-Imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme endroit de prière. Yuhadhdhiru ma fa'alu. Il a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ont fait les chrétiens, de ce qu'ont fait avant eux les juifs, lorsqu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des endroits de prière, c'est-à-dire qu'ils priaient à cet endroit-là, qu'ils faisaient également des douas à cet endroit-là, etc. Tout ce qui est rentré dans ce mal, ayadan billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ce hadith, il ferme la porte à sa communauté pour ceux qui le suivront et qui suivront sa sunna. Il ferme la porte. Et c'est dans ce sens que rappelle Aïcha que s'il n'y aurait pas eu cette mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sa tombe aurait été mise en avant, la ubriza, c'est-à-dire que tout le monde aurait pu la voir directement et qu'elle aurait été, bien entendu, barizan li kulli ahad. Mais à cause du fait qu'il a détesté, bien entendu ici détesté dans le sens de l'interdiction, qu'il a détesté qu'elle soit prise comme un lieu de prière. Donc c'est pour ça, ma ubriza qabru. C'est-à-dire donc qu'elle n'a pas été mise en avant, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dire mise à découvert devant tout le monde. Mais lorsque, il nous rappelle le shir, lorsqu'il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont enterré à l'endroit même où il est mort, c'est-à-dire donc dans l'appartement de Aïcha. Et donc elle était cachée, couverte, et non découverte, et mise aux yeux de tout le monde. Et il nous rappelle le shir, qu'en réalité, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les appartements, ils étaient en dehors de la mosquée. Ils étaient voisins à la mosquée, mais ils étaient en dehors de la mosquée à son époque. Donc ce qui veut dire que la tombe était totalement à l'extérieur de la mosquée, en dehors des murs de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il n'y a aucune preuve pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y a des tombeaux à l'intérieur des mosquées, en prenant comme preuve que de nos jours on trouve la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou enfin la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la mosquée. Et vous savoir dans un premier temps, et ça c'est la première réponse à cela, à cette fausse preuve, la réponse à cela, c'est que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu que tous les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hujjar, ils étaient en dehors de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus particulièrement, l'appartement de Aïcha, qui se trouvait en dehors de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit le shir, par contre, du temps de Al-Walid ibn Abdel Malik, la mosquée elle a été agrandie. Cette mosquée et d'autres également. Et on a fait rentrer donc à ce moment-là, les appartements à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire à l'intérieur de At-Tawsirat, à l'intérieur de la superficie agrandie. Et il nous rappelle également le shir qu'à cette époque-là, son naïb, son représentant donc, qui se trouve à Médine, le représentant donc de Al-Walid qui se trouve à Médine, c'était Omar ibn Abdel Aziz, et qui avait ordonné qu'on rachète donc ces appartements et qu'on agrandisse la mosquée. Et donc c'est à ce moment-là que les appartements ils sont rentrés à l'intérieur de la mosquée, pas avant. Et il faut savoir également qu'elles ont été construites, bien entendu ici l'Hujra, ou qu'elle a été construite en position déviante par rapport à la Al-Qibla. Et également, on y a construit autour, donc ici autour de la tombe, on a construit 3 murs. De façon, et on a disposé ces murs de façon à ce que celui qui prie, il ne prie pas en sa direction, à la direction donc de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, suivant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, un hadith, Abi Marthat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « La tajlisu ala al-qubur », c'est-à-dire, ne vous asseyez pas, ici bien entendu une interdiction, ne vous asseyez pas sur les tombes, voilà tout sallu ilayha, et ne priez pas en leur direction, direction donc des tombes. Donc hadith qui est plus que clair et qui vient répondre à ce que pourrait donner comme ambiguïté à certains musulmans, les gens de l'innovation, lorsqu'ils disent qu'il est permis de mettre et de placer, ou alors de construire des mosquées sur des tombeaux, ou alors en direction de tombeaux, ou alors de faire entrer à l'intérieur de la mosquée les tombes. Ayyadan billah. Le hadith il est plus que clair. La tajlisu ala al-qubur, wala tusallu ilayha, et ne priez pas en leur direction. Et c'est pour ça, comme on l'avait vu auparavant, cette parole de Ibn al-Qayyim fi Nuniyah, lorsqu'il disait wada'a bi an la tuj'al al-qabr alladhi qaddamahu wathanan min al-awthan فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطوا بثلاثة الجدران حتى اختدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. Donc ici, ces vers d'Ibn al-Qayyim qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué son Seigneur de ne pas qu'il place sa tombe comme une statue qu'on adorait. Dans le hadith qu'on a vu auparavant, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Il rappelle que Allah Azza wa Jal ajabahu, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à sa dua lorsque hadha al-qabr a été entouré de trois murs et que ces murs, ils ont été placés de façon à ce que la personne ne puisse se placer en direction donc de al-qabr lorsqu'il prie. Et bien entendu, lorsqu'il est en direction de la Qibla, fil Majid al-Nabawi, il n'est pas en direction de al-qabr, abad. C'est pour ça qu'il rapporte l'imam al-Qurtubi, فَبَنُوا جِدَارَيْنِ مِنْ رُقْنَ الْقَبْرَ الشِّمَالِيَّنِ وَحَرَّفُوهُمَا حَتَّى الْتَقِيَ عَلَى زَاوَيَةِ مُثَلَّثَ مِنْ نَاحِيَةِ الشِّمَالِ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ إِسْتِقْبَالِ قَبْرِهِ. Donc ici tout simplement il nous rappelle l'imam al-Qurtubi comment ils ont été placés ces murs. Deux premiers murs donc qui vont rencontrer un troisième mur qui se trouve à la Zawiyatul Muthallatha. À la Kulli Hal, sans rentrer dans tous les détails, ces trois murs, ils ont été construits de façon à ce que personne ne puisse prier en direction de Al-Qabr, Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Shir, il va nous donner une règle par rapport aux différentes catégories de ce qu'on appelle Ziyarat al-Qubur, la visite des tombes. Et c'est ce qu'on verra, inshallah, le prochain cours. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.